C'est la guerre. Forcément, car j'ai pas le niveau de vie de mes dirigeants. C'est la guerre. Car la galère, c'est réussir à vivre aisément. C'est la guerre. Car on nous ment. C'est la guerre. Car on veut changer le monde. C'est la guerre. Car vous lâchez pas l'affaire. C'est la guerre. Car la terre est mourante, assassinée à coups de profit, de pollution chimique, de nucléaire. C'est la guerre. Car on a découvert que votre vision du monde n'est qu'une illusion, un piège à con. Qu'on nous impose grâce aux masses médias, à l'éducation communique, vérité où tout est virtuel. L'argent roi qui tue, qui affame, qui prostitue, qui ment. Cet or qui rend esclaves les populations du monde. C'est la guerre. Car cette façon de faire, de voir les choses, n'amène que la souffrance, la haine et la misère. C'est la guerre. Le stress, car on tient tellement peu à ton enfer qu'on a obligatoirement la honte d'un kamikaze suicidaire. Car on veut que ça cesse. C'est la guerre. Et j'ai compris le sens de l'univers et que vous faites tout à l'envers. C'est la guerre. Alors verse une larme tout de suite, car quand on vous aura en face de nous, tes yeux seront secs, tant ton froc sera mouillé. C'est la guerre. Alors on vous humiliera pour vous apprendre à savoir ce que ça peut faire d'être comme vous. Nous contraignez d'être des mères dociles, travailleurs, collabos de votre façon de faire, haineux contre nos propres frères, souriant, courant après du fric, ce putain de salaire, capable de faire taire les cris qui sont censés sortir de nos bouches quand on se fait sodomiser jusqu'au sang, l'anus décapité par vos bandes de fils de pute, de gangsters, dirigeants, bande de salauds, de patrons truands. C'est la guerre. Car on n'a plus le choix. C'est la guerre. Car les portables sont des mouchards, des caméras dans chaque appartement. On est tous sous contrôle. C'est la guerre. Alors négocie pas avec moi. Je veux pas que tu me racoles. Je suis pas une pute que tu rappelles à l'ordre en claquant des doigts. C'est la guerre. Car on veut détruire votre machination. C'est la guerre. Car le 11 septembre n'est que le plus gros braquage du monde, avec plus de 500 millions de lingots d'or disparus sur 650 millions. Et que Ben Laden n'est qu'un bouc émissaire. C'est la guerre. Car ce putain de 11 septembre n'est qu'une manipulation médiatique mondiale, un coup monté par les États-Unis eux-mêmes pour se trouver un prétexte afin de pouvoir aller voler le pétrole du monde arabe, en invoquant l'axe du mal, en évitant de nuire à l'image et à la morale des Américains. Alors voilà pourquoi c'est la guerre. Car ce prétexte a coûté des milliers de vies humaines. Alors voilà pourquoi c'est la guerre. C'est la guerre. Car le G8 est représenté par des puissances terroristes. C'est la guerre. Car vous produisez des armes. C'est la guerre. Car vous prenez la paix en vendant des armes. C'est la guerre. Car un enfant de 8 ans meurt sous les coups des fouets des multinationales. C'est la guerre. Et on retourne votre force contre vous-même. C'est la guerre. Car quand j'imagine ton visage blême, nous suppliant de t'épargner, je bave. Je suis un monstre de rage qui se propage comme un nuage radioactif invisible, mais à coup sûr invincible. C'est la guerre. Et ton cœur est ma cible, certain de tuer les tiens par ce biais. Car moi et les miens dès la naissance, on nous a poignardés jusqu'à tenir le cœur de pierre. Une récompense de toutes ces années passées dans ce monde de sang, sans morale, sans respect, sans but valable, sans sincérité, sans humanité, sans conscience. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. La force est mentale, volition, réflexion, visualisation, action. Tellement nombreux nous sommes dans nos rangs que si je te donne un chiffre, tu te chies dessus. Alors emballe tes chars et tes armes, ton armée va la reclasser. Car elle est ridicule face à nous, la puissance est cérébrale, mentale. Je l'exprime grâce à mes cordes vocales, chacun de mes sons est une balle. À chacun son rôle, à chacun son arme, le compte à rebours est enclenché. C'est la guerre. Et on va vous éliminer. C'est la guerre. Et on va vous ruiner. C'est la guerre. On va vous dominer. C'est la guerre. La puissance est morale, psychique. Ah, c'est la guerre. On a tous l'âme d'un sorcier guerrier. C'est la guerre. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre.